Cette semaine, le Vanuatu a subi un cyclone dévastateur dont on ne connaît pas encore l'étendue des dégâts. Suite à ça, les quotidiens français se posent la question de savoir si c'est un signe de plus du réchauffement climatique ou si ça n'a rien à voir. Les médias se battent comme s'il fallait encore prouver le réchauffement climatique. Pourtant, comme à chaque fois que l'on reçoit Nima, nous allons parler d'un sujet qui fait consensus dans la communauté scientifique, mais qui ne fait pas encore beaucoup, mais qui fait encore beaucoup trop débat dans les médias. Nous sommes le 17 mars 2015, vous êtes dans Podcast Science 210, nombre triangulaire et pentagonal, bisous Alan, bienvenue! Du coup, bonsoir à tous. Et on va commencer par un petit tour de table. Donc, cette fois-ci, il n'y a que des tables virtuelles. Donc, autour de notre table virtuelle, nous avons un Robin depuis le nord de Paris. Salut Robin. Salut. Un Nico depuis le sud de Paris, pour rester sur Paris. Après, quand on descend dans le sud de la France, on a Julie depuis Nice. Salut Julie. Salut. Et on a notre cher invité Nima qui va faire le gros de l'émission depuis Paris aussi, Nima, c'est ça ? Non, Poitiers, malheureusement. Depuis Poitiers, donc salut Nima. Malheureusement. Donc on a la France qui est représentée. Cette fois-ci, nous n'avons pas l'étranger parce que donc on a Johan et Irène qui sont excusés, qui avaient affaire à droite à gauche. Je ne sais pas si on a une fantastique excuse d'Irène cette fois-ci, je ne crois pas. Si, si, elle est en voyage de boulot. Elle est. Elle n'ose plus dire. Allô, c'est pas maintenant qu'elle est à Troyes en France, mais qu'elle n'aura pas le temps de venir nous voir. Ah oui, c'est ça, voilà, elle est en France, donc elle ne peut pas être dans l'émission, elle peut y être que quand elle est à l'autre bout du monde. Parfait. Ça rentre toujours dans les excuses. Si je peux me permettre, c'est pas très gentil d'avoir dit que Nima ferait le gros de l'émission, mais bon, je... Bon, on va rester là sur ces blagues. Au sommaire de l'émission de ce soir, ça va être une émission de style dossier de Nima, donc on va avoir un interview dossier de Nima sur le réchauffement climatique, et puis ensuite on va rapidement faire des plugs, une quote, un pitch, et une quote, j'ai déjà dit ça, et ce sera tout, parce que c'est dans le désordre. De type dossier, oui dans le désordre, sinon c'est pas drôle. Et sur ce, vu que je commence à dire les choses dans le désordre, je propose de commencer tout de suite en laissant la parole à Julie pour l'interview de Nima. Alors Nima, bienvenue et merci à toi d'avoir accepté de répondre une nouvelle fois à nos questions. Merci de m'avoir invité. Ça nous fait, tu sais que c'est toujours un immense plaisir pour nous. Donc pour commencer et pour ceux qui auraient raté les épisodes précédents, donc je vous rappelle qu'on a déjà reçu Nima sur les médecines alternatives et les vaccins. Est-ce que tu pourrais brièvement te présenter, s'il te plaît ? Oui, donc je travaille à l'Université de Poitiers. Je suis enseignant-chercheur à l'Université de Poitiers. Je ne travaille pas du tout dans les domaines sur lesquels je parle, donc il faut toujours prendre avec un peu de recul ce que je dis, vérifier ce que je peux dire, éventuellement corriger ses besoins. Voilà, donc je travaille sur un domaine qui s'appelle l'automatique et l'informatique industrielle. C'est en grosso modo de la stabilité et de la stabilisation. Donc la stabilité, ça se retrouve un peu dans le climat d'ailleurs, parce qu'on a des équilibres thermiques, on a des phénomènes de retour qui font bouger ces équilibres, etc. Donc ça touche un petit peu de loin à mon domaine. Et puis, je suis surtout blogueur au Café des Sciences, un peu fainéant ces derniers mois, c'est même beaucoup derniers mois, je ne sais pas comment je dirais, parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas publié un nouvel article, mais j'espère bien que ça va revenir. En tout cas, à chaque fois que je suis invité à Podcastant, je me dis, allez, je vais relancer la machine, donc peut-être là, ça va être la bonne. On espère. Au moins pour la version écrite de ce que tu vas nous faire ce soir, hein, comme d'habitude. Oui, comme d'habitude, bien sûr. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu pourrais nous parler du changement climatique ? Donc, est-ce qu'il y en a un et comment on le sait ? Ben, écoute, je pourrais commencer par dire, parce que la question est assez difficile, je vais peut-être faire un petit détour, mais je vais y arriver à cette question. Mais je commençais par dire parce qu'en 2014, c'est l'année la plus chaude jamais enregistrée jusqu'à... depuis qu'on enregistre les températures moyennes sur Terre. Mais en disant ça, à la fois je donne une information dans le sens d'un réchauffement climatique et à la fois je n'en donne pas une parce que ce serait, si c'était l'année la plus froide jamais enregistrée, ce serait le même problème finalement. C'est-à-dire la réponse serait la même, il y a un réchauffement. Donc ça, c'est un problème général qu'on retrouve dans les médias, c'est-à-dire qu'on va mettre en avant certains records, mais le problème, c'est que si l'année d'après, il y a une chute, ceux qui sont contre le réchauffement vont dire « Ah bah cette année, il fait moins chaud » ou « C'est l'année la plus froide ». Mais à vrai dire, c'est pas ça l'important quand on parle de réchauffement climatique, c'est la manière dont les choses évoluent sur un certain temps donné, et ce temps est généralement doit être assez long pour voir une évolution de cette température. Et ouais, j'avais juste une toute petite question complémentaire là-dessus, c'est que mesurer la température moyenne sur une année sur toute la planète, ça a vraiment du sens en fait, parce qu'il y a des variations qui sont énormes à la fois au niveau du temps temporel et au niveau spatial. Ça a du sens si on le fait de la même manière tous les ans et qu'on fait une moyenne sur toutes ces températures. C'est là où ça a du sens parce que ça permet de voir l'évolution. En soi, avoir une température moyenne, sachant qu'il y a certaines régions où on est à moins 30, et d'autres régions où on monte à peut-être plus 30 degrés, ça n'a peut-être pas forcément de sens. Mais l'idée d'avoir une moyenne sur une année et qu'on répète tous les ans, ça permet de voir une évolution, et c'est cette évolution qui nous intéresse. Donc dans ce cas-là, oui, c'est un sens de faire une moyenne de la température qui nous donne un indicateur parmi d'autres de comment évolue le climat sur la planète. D'accord. Et ce qui est intéressant aussi, c'est cette différence entre climat et météo. J'aimerais commencer un peu là-dessus parce que c'est souvent une confusion qu'on a quand on discute avec les gens, ou même quand on discute avec des gens qui rejettent l'idée d'un réchauffement climatique. C'est l'idée qu'on n'arrive pas à prédire avec la météo au-delà de dizaines de jours, ça c'est déjà beaucoup. On n'arrive parfois pas à prévoir la pluie le lendemain ou le temps qu'il va faire dans la semaine qui suit. Donc les gens demandent souvent comment on arrive à savoir ce qui va se passer dans 100 ans au niveau du climat. Et ça, c'est une mauvaise compréhension de ce que c'est le climat et la météo. C'est-à-dire que la météo est bien un système qu'on appelle chaotique, c'est-à-dire que si on a des petites perturbations au niveau des paramètres dans l'atmosphère, on va avoir des grosses différences dans 2-3 jours. On va observer des grosses différences, même si on part avec des conditions initiales très proches au départ. Et ce phénomène-là, ce phénomène chaotique, ne se reproduit pas sur le climat, parce que sur le climat, on regarde des moyennes sur une longue période. Donc on va regarder la moyenne des précipitations sur un mois, on va regarder la moyenne de la température sur un an ou sur 2 ans, dans une région donnée, dans un endroit donné. Généralement, d'ailleurs, dans le climat, quand on parle de climat, l'unité finalement de mesure, c'est... Donc des moyennes et des variations sur des moyennes, et surtout sur de longues années, et quand on dit longues années, c'est généralement 30 ans, on parle généralement d'une trentaine d'années, donc ce qui fait une période très grande. Et du coup, même si il y a des phénomènes chaotiques qui se produisent dans la météo, bah, on peut raisonnablement dire que au 22e siècle, par exemple, l'été 2101 pour les puristes, sera plus chaude que l'hiver 2101, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut avancer avec une certaine confiance, parce que voilà, on sait que c'est une moyenne et qu'il y a de très grandes chances que l'été soit plus chaude que l'hiver, à moins qu'il y ait tout d'un coup des bouleversements dramatiques sur l'orbite de la planète. Et voilà, donc cette confusion entre météo et climat est souvent exploitée par les climato-sceptiques pour brouiller un petit peu le discours envers le grand public. Donc je voulais un petit peu revenir là-dessus. Et donc on en vient aussi à cette idée de la température de la Terre. Pourquoi la Terre a une température, comment on la calcule, qu'est-ce qui se passe, etc. Je ne parle pas de la température moyenne, mais juste le fait qu'il fait 15 degrés aujourd'hui en moyenne sur Terre, et qu'on peut vivre, du coup, que la vie est possible. Parce que si on avait une température très basse, comme sur certaines planètes, bah, la vie ne serait pas, telle qu'on la connaît en tout cas aujourd'hui, ne serait pas possible. Et donc, cette température moyenne autour de 15 degrés, bah, elle est due à quoi ? Elle est due notamment à l'influence du soleil, donc, qui est la principale source d'énergie qu'on reçoit sur Terre. Et donc, il y a des échanges qui se font. Il y a donc une énergie qui rentre sur Terre, elle est absorbée par la Terre. Et cette énergie est rémise par la Terre sous forme de rayonnement de rayonnement de chaleur, on va dire, sous forme généralement d'infrarouge. Donc c'est le même rayonnement, c'est la même chaleur que vous ressentez, que les gens peuvent ressentir quand ils sont proches, par exemple, d'un feu de cheminée. Vous sentez une chaleur du feu, et ben c'est une chaleur rayonnée sous forme d'infrarouge. Et ben c'est la même chose qui se passe pour la Terre. Elle reçoit une énergie du Soleil, et elle renvoie une énergie sous forme de rayonnement, un rayonnement infrarouge. Et donc, il y a un équilibre qui se fait entre ce que la Terre reçoit, il y a le Soleil, et ce qu'elle rémet en chaleur, quand on fait les calculs, quand les physiciens font les calculs, eh ben, ils trouvent à peu près une température à la surface de la Terre de moins 18 degrés, ce qui est du coup loin de ce qu'on observe aujourd'hui. Hein, comme je disais, on est aux alentours de 15 degrés. Et donc, ça explique... Enfin, cette différence montre qu'il y a un problème dans la manière dont on schématise ces échanges. Enfin, un problème, en tout cas, où il faut aller plus loin dans la modélisation. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est l'effet de serre qui intervient. Alors, c'est quoi cet effet de serre? Donc, quand on imagine bien notre Terre avec le Soleil qui envoie de l'énergie sur la Terre, eh ben, l'énergie qui est réémise par la Terre sous forme de chaleur va être capturée par ce qu'on appelle les gaz à effet de serre, donc principalement le CO2 et puis les vapeurs d'eau, va être capturée par les gaz à effet de serre et réémise vers la Terre. Donc, il y a une certaine chaleur qui est projetée vers l'espace, qui est réémise vers la Terre grâce aux gaz à effet de serre. Grâce ou à cause, ça dépend de la manière dont on voit la chose. Mais donc c'est ce retour-là qui permet de réchauffer la Terre de moins 18 à 15 degrés, en fait, ce qui permet de retomber sur une valeur qui correspond à ce qu'on observe aujourd'hui. Donc l'effet de serre, c'est quelque chose de très important parce que ça permet d'avoir une température vivable aujourd'hui sur la Terre. Du coup, on peut se demander quels sont les facteurs qui influencent ce climat, puisqu'on a un équilibre, comme j'ai dit, voilà, il y a le Soleil qui renvoie de l'énergie, la Terre qui réémet de l'énergie sous forme de chaleur, et puis une partie de cette énergie est réémise par les gaz à effet de serre vers la Terre, donc ça contribue à réchauffer cette Terre. Et bien, les facteurs influençant ce climat, elles peuvent être d'ordre interne ou externe, et quand c'est des facteurs externes, en climatologie, on parle de forçage. Donc c'est un terme qui revient souvent, donc j'en parle un peu, même si on n'est pas obligé de le connaître pour aborder le problème de climat, mais c'est bien de le connaître parce que c'est souvent un terme qui revient. Donc les forçages, c'est quoi? C'est la manière dont certains paramètres vont changer et qui vont changer cet équilibre thermique. Donc il y a par exemple la manière dont la surface du sol réfléchit la lumière du soleil. Donc c'est ce qu'on appelle l'albédo en termes techniques. Par exemple, sur le pôle nord ou en pôle sud, comme on a des étendues de glace importantes, et ben, il y a une réflexion plus grande, donc il fait donc il y a moins de chaleur qui arrive. Du coup. Un autre forçage, c'est celui des volcans, par exemple. Les volcans qui ont des grandes éruptions vont dégager des particules fines qui vont monter dans l'atmosphère. Et ces particules fines peuvent soit contribuer à augmenter l'effet de serre, soit aussi à contribuer à rejeter une partie de l'énergie solaire qui arrive vers nous. Donc on imagine cette énergie qui arrive vers l'atmosphère. Si cette atmosphère est chargée en particules dégagées par les éruptions volcaniques, et bien une partie va être émise directement vers l'espace, ne va pas atteindre la surface. Comme autre forçage, on a aussi donc les gaz à effet de serre dont j'ai parlé juste avant, les nuages aussi. Les nuages, si vous avez des nuages qui sont très sombres, la lumière ne va pas passer et donc du coup, vous allez avoir moins d'énergie qui va rentrer sur Terre. Donc c'est ce qu'on observe quand on est sur la plage et qu'il y a un nuage qui passe, on sent tout de suite qu'il fait moins chaud quand on n'a pas la chaleur du soleil directement sur nous. Mais le nuage aussi joue un rôle, ils peuvent jouer un rôle d'effet de serre, puisqu'il y a un peu de vapeur d'eau là-dedans. Et c'est ce qu'on observe par exemple en hiver, souvent on remarque, je ne sais pas si tu, Julie, si tu as déjà ressenti ça, mais quand il pleut ou quand il fait moins beau, donc qu'il y a des nuages, il fait souvent plus chaud que quand il fait très beau. Quand il fait très beau, généralement, il fait aussi très froid en hiver. Ben, c'est ce phénomène-là de forçage avec les nuages qui, quand il fait moins beau garde un peu plus la chaleur due à un effet de serre. Donc voilà, il y a un équilibre qui se crée, il y a des choses qui rentrent, des choses qui sortent, et des facteurs qui influencent le climat. Et quand on modifie un facteur parmi tout cela, bah, la température de la Terre est modifiée aussi. Et d'où on arrive à ta question, est-ce qu'il y a vraiment un réchauffement ? Et comment on sait qu'il y a un réchauffement ? Eh bien, on sait tout simplement que depuis un siècle environ, il y a un facteur qui a vraiment évolué, qui a vraiment changé, un forçage qui a vraiment changé, c'est la quantité des gaz à effet de serre. On est passé, pour donner une idée, donc la quantité de CO2, puisque c'est principalement le CO2 qui est en cause ici, est passée de 280 parties par million. Alors, parties par million, c'est quoi ? C'est juste une unité de mesure, hein, qui est très petite, donc ça reste des quantités très faibles. Mais on est passé de 280 à 390 récemment. Là. Donc c'est une augmentation qui... ce que je veux dire, c'est que la quantité de CO2 dans l'atmosphère est faible au total, mais a une contribution assez importante pour l'augmentation de la température. Et donc, pour bien visualiser ce que c'est ce passage de 200, je ne sais plus 80, je crois que j'ai dit, à 390, eh ben, il faut se souvenir que grâce à la science, on peut remonter vers l'atmosphère qu'a connue la Terre les milliers d'années précédentes, notamment avec les carottes glaciaires. Quand on va au pôle Nord et qu'on fait des carottes glaciaires, eh ben, on a de l'air qui est emprisonné dans de la glace. Et quand on regarde... Plus on descend dans la glace, hein, j'espère que je suis clair, plus on va loin dans le sol quand on creuse dans la glace, plus on a de chance de trouver des particules d'air qui ont été gelées il y a très longtemps dans le temps. Et donc comme ça, on peut remonter le temps et découvrir combien de CO2, par exemple, était présent il y a 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, et on peut remonter jusqu'à 800 000 ans comme ça, ce qui est énorme. Et jamais dans l'histoire de l'humanité, on a atteint un taux aussi élevé qu'on a aujourd'hui. Donc ça reste un pourcentage faible dans l'atmosphère, donc les climato-sceptiques ils jouent souvent sur cette faiblesse du CO2, mais quand on regarde sur l'échelle géologique, sur un temps très loin, quasiment un million d'années, eh ben, la Terre n'a jamais connu une telle quantité de CO2. Et comment on sait que c'est dû à l'homme, cette augmentation de CO2 ? Ben, c'est un peu technique, mais c'est... Parce qu'on peut véritablement faire la différence entre le CO2 produit par les hommes, produit entre guillemets, émis par les hommes, et le CO2 émis naturellement par la nature. Parce que naturellement dans la nature, il y a des dégagements de CO2 qui se font par les plantes, la respiration des plantes, par l'océan qui peut absorber une quantité de CO2 assez phénoménale et aussi réémettre une quantité de CO2 assez phénoménale. Donc, pour donner des données un peu précises, voilà, j'ai trouvé des choses un peu parlantes. Voilà, l'océan dégage 780 gigatonnes de CO2 par an. L'océan absorbe aussi 780 gigatonnes de CO2 par an. Donc, voilà, il y a un cycle qui se fait. Donc, 780 tonnes, c'est énorme parce que comparé à ce que dégagent les êtres humains durant une année, les êtres humains, c'est 30 gigatonnes. Donc, c'est vraiment très faible, bien sûr, par rapport à ce que dégage l'océan. Mais le problème, c'est que l'océan fait un cycle. Il y a donc un équilibre. Alors que ce que dégagent les humains, bah, ils se surajoutent à ce cycle qui est déjà en équilibre. Donc, du coup, on déséquilibre ce cycle et on constate l'augmentation du CO2. Et donc, comment on sait que c'est... pour revenir à mon idée, comment on sait que c'est vraiment l'activité humaine, le dégagement dû à l'activité humaine et pas les volcans ou pas l'océan ou pas la nature, c'est parce que le CO2 dégagé par l'activité humaine a une signature qu'on peut détecter. Et pourquoi on peut détecter ? Parce que le CO2 dégagé par l'activité humaine est principalement dû au pétrole et au combustible, quoi, au combustible... qui sont ici voilà, le charbon, le pétrole, ce genre de choses-là. Et ce pétrole est issu de la dégradation il y avait des millions d'années de plantes et de végétaux qui ont été méthanisés pour qu'on puisse l'exploiter aujourd'hui. sous forme de pétrole ou de charbon, etc. Eh bien, le carbone qui est contenu dans ces produits-là qu'on utilise dans l'activité humaine, c'est un carbone qui est un peu particulier et qu'on peut détecter comme une forme de carte d'identité de ce carbone, qu'on peut détecter, qu'on peut vraiment dire, voilà, la quantité de CO2 qui vient des activités humaines augmente dans l'atmosphère. Donc, en termes techniques, c'est des isotopes. Voilà, on a des isotopes différents quand on a des carbones qui viennent de l'activité humaine. Donc, c'est le carbone 12, je crois, si je ne me trompe pas. Et quand, dans la nature, on a une présence de carbone 13 et la quantité de carbone 13 dans la nature diminue par rapport à la quantité de carbone 12. Voilà, donc, pardon, je t'interromps, ouais. Mais comment ça se fait que ce n'est pas le même? Parce qu'à la base, tout ce qu'on utilise, ça vient de la nature. C'est les transformations qu'on fait subir, par exemple, au pétrole ou le charbon. Enfin, c'est la combustion? Alors, c'est le... Je ne crois pas. Alors, honnêtement... C'est le fait que de la combustion ou c'est... Enfin, ouais, tu sais. Non, je ne pense pas que ça vienne de la combustion. Je pense vraiment que ça vient du processus, de la manière dont ça a été créé à la base. Quoi, Parce qu'a priori, il y a des histoires de trucs qui crament. Je veux dire, il y a aussi des choses qui se passent sans l'homme qui crament. Ah oui. Je pense que là, ça vient de la matière première, non? Même la le carbone première. Voilà. Différent. C'est ça, le pétrole. Ça vient de la matière première, ouais. Donc là, peut-être plus le pétrole que le charbon. Enfin, je ne sais pas, parce que le charbon, a priori, c'est quelque chose qui doit ressembler à ce qui se fait naturellement, non? Oui, mais c'est des matières fossilisées, en fait. Je pense que ça vient de le processus de dégradation altère d'une manière ou d'une autre le carbone. Enfin, je sais pas, mais j'imagine que c'est ça. Oui, c'est ça. En tout cas, l'aspect technique est peut-être moins important. J'aurais peut-être, pardon. Je peux lancer là-dedans, mais c'était l'idée qu'on peut vraiment détecter de carbone est mis dans l'atmosphère. Et il y a vraiment une carte d'identité du carbone utilisé par dégagé par l'activité humaine, qu'on peut repérer du coup scientifiquement et mesurer et voir que ces pourcentages augmentent dans l'atmosphère. C'est ça qui est intéressant, en fait. Et donc, du coup, il n'y a pas vraiment de discussion possible, quoi. On sait que le carbone, le CO2 augmente dans l'atmosphère et que vraiment, c'est issu de l'activité humaine. Ça règle un peu la question de l'origine anthropique de... Bah, oui, puisque c'est exactement ça. Parce que il y a deux choses sur cette origine anthropique. C'est d'abord qu'on sait qu'on... C'est vraiment l'homme qui fait augmenter la quantité de carbone sur la planète là, depuis un siècle. Ce n'est pas dû, par exemple, aux volcans, à l'activité volcanique ou à autre chose. D'ailleurs, j'avais noté pour les volcans, on est à 1,2 gigatonnes par an. Donc pour les humains, là, pour l'activité humaine, c'était 30 gigatonnes. Et pour les océans, c'était 780 gigatonnes. Mais comme j'avais dit, les océans, ça fait un cycle. Donc ce qui sort rentre aussi dans l'océan. Donc c'est compensé, en fait. Donc ça donne un peu des ordres de grandeur de ce que les hommes rejettent. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on n'arrive pas à, avec les modèles climatiques qu'on a. Alors c'est quoi les modèles climatiques? C'est des programmes informatiques qui permettent de prévoir la manière dont le climat va évoluer suivant les conditions, suivant des conditions données. Donc si on utilise ces modèles pour tester la manière dont la température va évoluer au cours du XXe siècle avec les données qu'on sait, avec la quantité de CO2 ou la quantité d'énergie solaire, puisque c'est des données qu'on a, et ben, si on ne met pas le forçage gaz à effet de serre, donc quand je parle de forçage gaz à effet de serre, je veux simplement dire si on ne prend pas en compte l'effet gaz à effet de serre, et ben, on n'arrive pas à voir cette augmentation de température qu'on a observée ces 40 dernières années. Les modèles arrivent à prédire cette augmentation seulement si on fait le forçage gaz à effet de serre dans ces modèles. C'est seulement si on prend en compte l'augmentation du CO2 dans ces modèles. Ça, c'est vraiment un point super important pour dire aujourd'hui avec quasi certitude que on est certain que l'origine du réchauffement climatique aujourd'hui est anthropique. Peut-être j'aurais aussi dû dire quelque part qu'effectivement depuis un siècle la température a augmenté, donc ça reste encore acceptable. On a eu une augmentation de 0,8 degrés durant le siècle, sauf que il y a quand même une accélération ces dernières années, ces 40 dernières années, qui est assez notable et qui peut être amplifiée. Donc pour donner une idée, chaque décennie depuis 40 ans a toujours été plus chaude. Donc en les années 70 ont été plus chaudes que les années... les années 80 ont été plus chaudes que les années 70, les années 90 ont été plus chaudes que les années 80, etc. Donc, c'est... et je ne sais plus, là, je crois que depuis le 21e siècle, donc j'ai dit 2014, c'est l'année la plus chaude, mais en fait, il y a eu, je ne sais plus, 10 années parmi les plus chaudes jamais enregistrées ont été calculées au 21e siècle. Donc, on a vraiment des indicateurs forts pour montrer que le réchauffement climatique a bien lieu. C'est même plus... Le fait qu'il y ait un réchauffement climatique n'est même plus discutable, en fait. C'est comme si on parlait du fait... c'est comme si on essayait de prétendre que la Terre n'est pas ronde aujourd'hui ou que... Voilà, c'est des choses qui sont évidentes, quoi, maintenant. Donc, l'origine anthropique, c'est devenu évident depuis 20-30 ans, et on a de plus en plus d'informations pour vraiment... de plus en plus de données pour vraiment dire que, effectivement, ça devient une quasi-certitude. Et voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour, là. Ouais, je pense que t'as déjà balayé pas mal de sujets. Donc, en fait, tu disais que... qu'on a des indices forts sur le réchauffement climatique, sur l'origine anthropique. Oui, ouais, peut-être que je peux effectivement dire aussi un truc, c'est que sur les indices forts, c'est qu'on parle beaucoup de la température moyenne à la surface de la Terre, mais on a plein d'autres indicateurs de ce réchauffement climatique. Parce qu'il y a eu beaucoup de discussions ces deux, trois dernières années sur les climato-sceptiques ont dit qu'il y a une pause, qu'il y a plus de, le réchauffement s'est arrêté, etc. Mais souvent, ces climato-sceptiques se basent simplement sur cet indicateur de la température moyenne sur la surface de la Terre. Mais en fait, on a plein d'autres indicateurs du réchauffement climatique. Par exemple, la montée des eaux est un indicateur du réchauffement climatique. Pas seulement parce qu'il y a de la fonte des glaces qui peut permettre à contribuer à la montée des eaux, mais c'est aussi à cause de la dilatation. Donc la plupart de l'énergie... emmagasinés par la Terre, les surplus d'énergie emmagasinés par la Terre, en fait, va, aujourd'hui on le sait, va dans les océans. Et donc, on mesure vraiment une augmentation de... voilà, une montée des eaux due à la dilatation du fait que les eaux se réchauffent dans les océans et dans les mers. Ça, on le constate déjà. On le constate déjà, oui. On le constate déjà. J'ai dû le noter quelque part combien ça augmente. Alors, c'est toujours assez faible, hein. Donc, au cours du XXe siècle, on est à 1,7 mm par an. Mais depuis 1993, la vitesse a un peu augmenté. Hein, on est entre 2,8 et 3,6 mm par an. Donc, ça reste faible, mais voilà, si on s'ajoute d'année en année, ça peut devenir conséquent, surtout si le phénomène s'accélère. Donc, d'autres choses aussi, il n'y a pas que la montée des eaux, il y a aussi... la couverture neigeuse qui baisse, observée un peu sur toute la planète, les glaciers qui reculent. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, on a différentes manières de calculer la température aussi. On a la température qui peut être calculée sur la surface de la Terre, mais on a aussi la température qui peut être calculée via les satellites, par exemple. Voilà, on a la banquise aussi sur l'Arctique. Donc la banquise, c'est donc on a la glace sur Terre et on a la glace sur mer. Et la glace sur mer, si je ne me trompe pas, ça s'appelle la banquise. Donc voilà, ça aussi, ça recule, surtout en Arctique. On a vraiment un recul très fort de la banquise, surtout pendant l'été. Mm-hmm. Donc voilà, on a plein d'indicateurs comme ça qui vont tous à peu près dans le même sens. C'est-à-dire qui vont dans le sens d'un réchauffement, qui concordent avec l'hypothèse réchauffement climatique. Ok. Oui, donc je disais, on parlait des indicateurs. En fait, si je ne dis pas de bêtises, c'est en grande partie confirmé par les rapports du GIEC. Oui. Tu peux nous présenter ce qu'est le GIEC, le travail qu'il fait depuis plusieurs années? Ben oui, écoute, Le GIEC, c'est ce qu'on appelle le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Donc, c'est à la fois un truc que je trouve, moi, extraordinaire, mais aussi très décrié par justement les climato-sceptiques, ouais. Principalement. Donc, c'est quoi le GIEC? Voilà, ça a été créé à la demande de l'ONU et de certains pays, en fait. Donc, c'est c'est pas une académie des sciences ou c'est pas un truc qu'on connaît ailleurs que pour le climat, par exemple. C'est pas un truc qu'on a pour d'autres phénomènes scientifiques que le climat. Donc, comme c'est parti d'une volonté un peu politique, le GIEC est souvent associé à une vision politique, du coup. Alors que, en fait, le GIEC reste simplement un organe où on évalue la science sur le climat. Grosso modo, c'est le but du GIEC, c'est ça. C'est donc tous les 5-6 ans, il y a des experts qui se réunissent et qui font le bilan, un bilan de toutes les recherches qui ont été faites sur le climat pendant une période donnée. Donc, par exemple, le dernier rapport du GIEC qui est apparu entre 2013 et 2014, ça prend un peu de temps parce qu'il y a plusieurs rapports, il y a 3 rapports exactement qui sont à chaque fois donnés. Donc, il y a un rapport, c'est le groupe 1 du GIEC qui parle des bases scientifiques et physiques du changement climatique. Donc, c'est le truc le plus scientifique, entre guillemets, on va dire, hein, du GIEC. C'est l'équipe la plus proche de la science dure, encore une fois, avec plein de 36 000 guillemets. Le groupe 2 du GIEC parle surtout des conséquences et l'adaptation et la vulnérabilité au changement climatique. Donc, il y a un peu plus d'incertitude dans le groupe 2. Et dans le groupe 3, on parle des solutions possibles. Et là, on rentre peut-être dans un domaine un peu plus politique, parce que quand on parle des solutions possibles, on peut évidemment s'appuyer sur la science, mais ça devient un peu plus compliqué, du coup, d'être peut-être aussi rigoureux que dans d'autres domaines, comme par exemple l'effet de serre, dont on connaît le mécanisme, etc. Et donc là, voilà, le dernier rapport, par exemple, du groupe 1 seul, hein, j'ai noté, on est à 2000 pages, j'en ai lu pas mal d'ailleurs, de ces 2000 pages, on est à 2000 pages et une analyse de 9000 publications scientifiques pour générer ce rapport, ce qui est absolument ahurissant quand on y pense. Donc voilà, c'est des groupes de personnes experts dans le domaine qui se réunissent sur un sujet donné, parce que là, particularité du climat, je vais encore faire un petit aparté, c'est que c'est un domaine extrêmement complexe, bien plus complexe que peut-être d'autres domaines d'ailleurs, parce que ça fait appel à des sciences vraiment différentes. Donc, dans le climat, on peut avoir des gens qui sont très mathématiques, qui vont faire des modèles mathématiques. On peut avoir des gens qui sont dans la physique, qui vont travailler sur l'effet de serre ou des choses. Le corps noir ou des trucs vraiment très spécifiques en physique. Et il y a des gens qui vont être beaucoup plus chimie, donc comment les nuages vont se modifier s'il y a des particules qui arrivent. Il y a des gens qui vont être beaucoup plus statistiques, analyse des statistiques, comment combien d'ouragans on va avoir dans 100 ans, quelle est la probabilité d'avoir plus d'ouragans ou des choses comme ça. Donc c'est un domaine extrêmement large. Donc personne ne peut avoir une expertise complète sur le climat, c'est impossible. C'est vraiment très complexe comme chose. Donc c'est ça aussi qui explique pourquoi c'est si décrié quelque part, c'est qu'on peut facilement trouver un angle pour essayer d'attaquer les conclusions scientifiques sur le climat. Donc bref, pour en venir au GIEC, voilà, le GIEC, en gros, il donne une vision de la science qui s'est faite pendant ces dernières années sur le climat. Et depuis, donc, je crois que c'est 88, ça a commencé en 88, il y a eu 5 rapports qui ont été écrits. À chaque fois, il y a aussi ce qu'on appelle un résumé aux décideurs. Donc ça aussi, ça a créé pas mal la polémique. Donc à chaque fois qu'il y a un rapport, il y a aussi un résumé aux décideurs. Et ce résumé aux décideurs, donc, c'est un résumé de ce qu'il y a dans le rapport. Hein, normal, ça semble être logique. Oui. Et le seul truc avec ce résumé aux décideurs, c'est que c'est destiné au gouvernement et que les gouvernements ont droit à une rétroaction sur ce résumé aux décideurs. Alors, rétroaction, c'est peut-être pas un terme très joli, mais ce que je veux dire, c'est que les gouvernements ont le droit de venir modifier ce qui est écrit dans le résumé aux décideurs. Mais dit comme ça, ça peut paraître choquant parce qu'on peut se dire comment ça, les politiques vont dire aux scientifiques ce qu'ils doivent dire, mais c'est pas tout à fait exact. C'est que les gouvernements ont la possibilité de modifier ce qu'il y a dans le résumé aux décideurs seulement s'ils arrivent à le justifier par ce qu'il y a dans le rapport, quoi. C'est-à-dire que les gouvernements peuvent effectivement moduler des choses dans le résumé aux décideurs seulement s'ils arrivent à s'appuyer sur une littérature scientifique. Donc ça, ce régime aux auditeurs a été très critiqué aussi par les climato-sceptiques, mais je crois que c'est, voilà, c'est encore une fois donner une mauvaise image de ce qu'est le GIEC. C'est pas un truc politique, c'est voilà, des scientifiques qui se regroupent, qui font un travail de synthèse de la littérature scientifique et qui essayent de communiquer au grand public et aux politiques de manière la plus claire possible. Et si les politiques veulent venir changer ce qu'il y a dans le rapport, ils doivent s'appuyer sur une littérature scientifique. Ils ne peuvent pas le faire n'importe comment. Ça, c'est vraiment important à l'expliquer. Donc, il y a un article, je l'ai gardé là quelque part, je vous le mettrai dans la chat room, un article d'un scientifique qui a participé justement au rapport du GIEC sur le site de Sylvestre Huet, sans ce carré, je crois, si je ne me trompe pas. Donc sur son blog, voilà, il y a un article qui est très, très intéressant, une interview de quelqu'un qui a participé au dernier rapport du GIEC et qui explique comment ça marche. C'est vraiment fascinant le travail qu'il y a derrière cette synthèse. Donc il y a eu plusieurs scandales hein, avec le GIEC. Il y a eu ce qu'on a appelé la crosse de hockey. Là. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est, ce truc. Cette courbe des températures qui a été très popularisée, où on voit, donc ça, c'est sur, je ne sais plus, 2-3 000 ans ou 1500 ans, je crois, un truc comme ça. On voit les températures, en gros, qui tout d'un coup, donc qui suivent une ligne à peu près horizontale, et tout d'un coup, au XXe siècle, explosent et montent de manière très rapide. Donc ça ressemble à une crosse de hockey, oui. Un peu à l'envers. Et donc ça a été appelé comme ça, et ça a créé la première polémique une des grosses polémiques du GIEC, parce que on a accusé les scientifiques qui avaient fait ce graphique d'avoir fait des erreurs finalement dans leur coup. Alors en réalité, cette courbe a été effectivement, il y avait peut-être des choses qui n'allaient pas, mais c'était la première fois qu'on recréait l'évolution des températures sur 1500 ans, parce que donc faut quand même se souvenir que on commence à mesurer les températures à la fin du 19e siècle, hein, donc c'est assez récent. Mm-hmm. Donc comment on remonte aussi loin dans le temps? Donc il y a plusieurs techniques possibles, hein, c'est on appelle souvent en anglais, on appelle par proxy, je sais pas si ça se dit en français, mais on utilise des éléments autres pour trouver la température dans le passé. Donc, quand je dis on utilise des éléments autres, c'est par exemple, on va regarder, on va faire des carottes glaciaires, là, comme j'ai dit tout à l'heure, puis on va regarder quelles étaient la composition de l'atmosphère. Plus on va profond dans la glace, puis on remonte dans le temps, finalement. Pareil, on peut faire dans les océans, par exemple, on peut prendre des couches de sédiments. Quand on creuse dans des couches comme ça, on peut remonter l'historique du passé de la Terre. Et donc, le dépôt des sédiments nous donne des informations sur quel genre d'animaux vivaient à cette époque-là. Et ça peut nous donner c'est vraiment un travail d'historien, d'enquêteur, en fait. Ça doit être assez fascinant. Je pense que ça s'appelle la paléoclimatologie. Ça doit être assez fascinant de travailler dans ce domaine. Parce qu'il y a vraiment un travail de détective, donc il y a beaucoup d'incertitudes, hein, parce que du coup, on n'avait pas de mesure, et puis on essaie de déduire une température par rapport à des données qui sont très disparates. Et voilà, on a réussi à créer, à reconstruire la température sur de longues années comme ça, et cette courbe, cette crosse de hockey là, qui a fait un peu la une des médias pendant longtemps, a été très critiquée par les climato-sceptiques, parfois à juste titre sur certaines choses, mais ce qu'ils oublient de dire, c'est que cette courbe a été confirmée une dizaine de fois par la suite, avec d'autres méthodes, avec d'autres données, avec bien plus de données. Donc il y a eu une dizaine de publications qui ont confirmé cette impression, justement, qui n'était du coup pas fausse, des températures qui ont oscillé par le passé, mais qui aujourd'hui, vraiment, ont fait un bond dramatique de manière très brutale au XXe siècle. Alors ça, c'était vraiment la première grosse polémique du GIEC. Une autre grosse polémique du GIEC, c'est ce qu'on appelle le Climate Gate. Donc c'est... Je ne sais pas comment ça se dit en français exactement, mais il y a eu, quelques années de ça, des emails qui ont été hackés par certaines personnes. Donc, je suis désolé d'employer des mots anglais. Mais des emails qui ont été récupérés. Donc, des emails de qui ? Des emails de gens qui travaillent dans le GIEC, qui étaient en train d'écrire le rapport. Et donc, ces emails étaient censés montrer que les scientifiques étaient en train de trafiquer leurs données pour justifier un réchauffement climatique. Donc ça a fait un peu la une des journaux, on en a parlé beaucoup, on prétendait que les scientifiques avaient truqué les données pour montrer une augmentation encore plus forte des températures qui existaient, etc. En fait, il y a eu des... c'était simplement des échanges entre scientifiques pendant un processus d'écriture d'un rapport, c'était pas du tout une version finale, et généralement ça discute, ça change, et c'est le processus normal de toute science, quoi. Et ça a contribué aussi beaucoup à dégrader l'image du GIEC qui n'avait pas besoin de ça. Mais peut-être que du coup, en parlant du GIEC, et tu m'arrêtes si je parle trop longtemps, c'est qu'on arrive à cette idée dont on parlait tout à l'heure, c'est que c'est le réchauffement climatique, c'est un consensus scientifique. C'est ce que disait Nicolas en début de podcast, c'est tout à fait vrai. Ouais, je ne parle que quand je suis certain que les scientifiques sont sûrs entre eux. Là, c'est vraiment le cas. Il y a vraiment un consensus. Et les rapports du GIEC depuis donc les 5 rapports dont je te parlais vont tous dans le même sens. C'est-à-dire que même, c'est pas qu'ils vont dans le même sens, c'est qu'ils tous confirment de plus en plus ce qu'on savait déjà. C'est-à-dire que le réchauffement est principalement dû à l'activité humaine sur ces 40 dernières années. Mais le consensus, c'est pas que le GIEC, parce que ça, les gens, ils ont du mal aussi avec cette idée. C'est pas que le GIEC qui nous dit qu'il y a un consensus scientifique, c'est pas que les rapports du GIEC, c'est plein d'autres choses. Il n'y a pas une seule organisation scientifique nationale là, dans le monde qui rejette cette idée de l'origine anthropique du réchauffement climatique qu'on observe. Donc ça, c'est vraiment pareil, c'est quelque chose de très fort. Donc on a toutes ces agences nationales scientifiques là, qui vont dans le même sens. On a ce GIEC qui, tous les 5 ans, fait des analyses considérables de la littérature scientifique pour aller toujours dans un sens qui est identique, donc de l'origine anthropique de ce réchauffement climatique. On a aussi, on n'a pas que ça, c'est vraiment au niveau du consensus, c'est peut-être le domaine où on est le plus sûr, parce qu'on a aussi des articles publiés dans des revues scientifiques, à comité de lecture, là, donc des revues scientifiques réputées, qui analysent ce consensus et montrent qu'il y a consensus. C'est assez rare de publier des articles pour montrer qu'il y a des consensus, mais là c'est vraiment le cas pour le climat, parce que c'est un sujet tellement sensible et tellement important aussi. Par exemple, il y a plusieurs articles qui montrent de manière différente que plus de 90% des climatologues, des gens experts sur le climat, sont vont dans le sens justement d'une origine anthropique du réchauffement climatique. Donc j'avais noté plus de 12 000 articles récupérés dans les bases de données entre 1991 et 2013. Parmi ces 12 000 articles, les auteurs de cette analyse ont lu tous les résumés de ces articles, les abstracts, là, ce qu'on appelle ce qui est au début d'un article. Parmi donc, ces résumés au début des articles, il y en a 4000 qui prennent position pour une origine anthropique du réchauffement climatique. Donc c'est à peu près, parmi ceux qui prennent position, on a 97% qui prennent position pour une origine anthropique. Et ça a été fait donc, dans cette étude, mais ça a été fait aussi en demandant directement aux scientifiques concernés ce qu'ils en pensaient. Ça a été fait aussi par d'autres méthodes. Donc on a plusieurs articles publiés comme ça pour montrer qu'il y a un consensus scientifique parmi les climatologues. C'est très intéressant, ouais. Juste pour relever ce que tu dis, pour insister encore, c'est un élément assez important quand on entend des débats à la télé ou à la radio, etc. C'est que très souvent, les contradicteurs qu'on peut voir sont justement pas des spécialistes, quoi. Oui, tu as raison. Et ce que je voulais dire avec ce consensus, c'est voilà, mais ça revient un peu à ton idée, c'est que quand on fait la même chose avec le grand public, eh ben, l'image qu'a le grand public du consensus scientifique est complètement faussée. C'est-à-dire que pour le grand public, ils pensent qu'il y a débat. Ils pensent que les scientifiques ne sont pas d'accord avec eux. Ils pensent que, en gros, je crois que j'avais lu, 50% ou je ne sais plus, 30% pensent qu'il y a un consensus scientifique. Ouais, je vérifie, je ne suis plus tout à fait sûr du chiffre là. Mais en tout cas, l'image est complètement inverse. Quoi. Pour le grand public, il y a débat. Pourquoi ils pensent qu'il y a débat ? Bah, notamment à cause du traitement médiatique de ces constatations scientifiques, parce que, comme on en a déjà parlé souvent, hein, pour les vaccins, c'est pareil, pour d'autres phénomènes, c'est pareil, les OGM, par exemple. Eh ben, dans les médias, on veut toujours donner une notion, une vision noire et blanche, pour, contre, oui, non, pour que ça fasse un peu le buzz, pour que ça frite, pour que ça soit un peu, ça fasse un peu d'audience. Donc on donne autant la parole finalement aux climato-sceptiques qu'aux scientifiques, et même parfois plus aux climato-sceptiques, parce qu'ils sont peut-être grande gueule, peut-être plus médiatiques justement, ou qu'ils font parler plus d'eux parce qu'ils disent des choses choquantes. Donc du coup, il y a vraiment une image qui est un décalage des forces, c'est-à-dire dans la communauté scientifique, il n'y a quasiment plus de doutes et plus de discussions. Et dans la communauté donc médiatique, on va dire, ou chez les gens qui ne sont pas dans les milieux scientifiques, il y a vraiment des questions, des questionnements, un débat, une réflexion sur la véracité de l'origine de ce réchauffement qui sera anthropique ou non, voilà, qui existe et qui ne devrait pas exister. Ok, c'est très intéressant. Et du coup, je ne t'ai pas interrompu, mais je voulais revenir... une petite question sur le GIEC, parce qu'en fait, tu l'as précisé, je pense, mais c'est une organisation internationale. Je pense qu'il y a presque toutes les nationalités. Ça représente beaucoup de chercheurs qui étudient des publications. Enfin, ils ne font pas de recherche. Voilà. Ils eux-mêmes ne font pas de recherche. Ils étudient tous les sujets qui se rapportent au climat, tous les sujets de recherche. C'est ça, oui. Et eux-mêmes sont très représentatifs de la communauté scientifique ? Oui, oui. Donc les gens qui vont écrire ces rapports sont généralement des experts de leur domaine. Et donc si on lit l'article dont je parlais là, sur le site de UE, ces gens-là, ils écrivent pas, ils sont pas une dizaine juste à écrire leur rapport et puis à envoyer tout le monde. Ils écrivent un premier rapport et là, il y a des reviewers. Donc c'est quoi les reviewers ? C'est des gens qui relisent ce rapport. Et là, il y en a des centaines et quasiment n'importe qui peut aujourd'hui reviewer ces rapports. Ces gens, donc ces reviewers, envoient des critiques. Et donc, les dizaines de personnes qui travaillent sur une des thématiques du rapport final sont obligées de répondre à toutes les critiques. Et donc, c'est une machine qui est un peu infernale, qui prend énormément de temps, mais qui est du coup d'une robustesse extraordinaire. C'est-à-dire que... on ne peut pas écrire n'importe quoi dans un rapport comme ça. Ce n'est pas possible. Mmh. Et puis, chaque groupe, c'est combien de personnes ? Je crois que chaque thématique, il y a peut-être une dizaine de personnes. De toute façon, des experts, il n'y en a pas non plus 500 000 chaque domaine donné. Donc, c'est des petits nombres. Mais après, il y a une relecture par vraiment des centaines de personnes et des allers-retours comme ça entre ces petits groupes et puis une communauté plus grande qui peut donner... son avis. Pour revenir sur les histoires de consensus et de vision dans les médias, autant il y a un consensus sur le constat qu'il y a un réchauffement climatique, il y a un consensus sur le fait que l'humain a une responsabilité là-dedans. Par contre, sur les conséquences d'un tel réchauffement climatique, est-ce qu'il y a un consensus ou est-ce qu'il y a plusieurs avis contradictoires sur qu'est-ce que ça peut amener comme conséquence ? Il y a des choses qui sont plus ou moins connues et des choses qui sont plus ou moins... discuter ou pas tout à fait sûr, quoi. Donc, dans le dernier rapport, par exemple, du GIEC, là, je parle du groupe 1, à chaque fois qu'ils parlent d'une conséquence, ils mettent une probabilité confidence. La confiance qu'ils ont dans ce qu'ils avancent. Donc, par exemple, sur les épisodes extrêmes du climat, comme tu disais là tout à l'heure, le cyclone qu'il y a eu aujourd'hui, est-ce que c'est dû au réchauffement climatique ou non ? On a de bonnes raisons de penser que des cyclones de plus en plus extrêmes vont être de plus en plus présentes. On n'est pas certain sur 100% que ça va être le cas. Quoi. Il y a sur l'augmentation du niveau de mer, c'est quasiment certain. Il faut prendre chaque élément séparément. Et chaque élément est associé à une certitude ou non-certitude ou une incertitude par rapport à la possibilité de cet événement d'avoir lieu ou non. Je ne sais pas si j'étais très clair. Oui, si, ça va. Oui, oui. Et ça évolue. À chaque rapport, je crois, Forcément, ils revoient leur indice de confiance sur chaque élément. Bien sûr, les méthodes avancent, les modèles deviennent plus performants. Donc, effectivement, à mesure qu'on avance, on a aussi plus de données. Les capteurs deviennent plus... par exemple, depuis 2005, c'est assez récent, on a déboué, on a un système, le système Argo, là, qui récupère la température dans les océans, dans des couches différentes, à des profondeurs différentes, et qu'on n'avait pas avant. Donc ça nous permet aussi de voir la manière dont les mouvements océaniques, la température de l'océan, l'acidité, etc. Ça nous permet d'avoir des données qu'on n'avait pas avant, du coup, des modèles qui peuvent devenir plus précis, du coup, des estimations qui peuvent être aussi un peu plus précises. Donc ça, c'est sûr, ouais, ça évolue. Ok. Je ne sais pas, les autres, vous avez des questions ou on enchaîne ? Il y avait des questions dans la chatroom, je ne sais pas si on les pose maintenant ou si on attend un peu. Bon, alors, je vais enchaîner avec ce qu'on a pour l'instant, puis tu remontes les questions de la chatroom. Ouais. On en a déjà un petit peu discuté, mais on va revoir un petit peu quelques arguments des climato-sceptiques et que tu nous expliques pourquoi ça ne réfute pas la théorie du réchauffement climatique. Climat météo, tu en as peut-être déjà bien parlé, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Oui, je crois qu'effectivement, on en a un petit peu parlé. Ouais. Je me permets juste une toute petite intervention pour de l'autopromo. Non, mais j'en avais parlé relativement longuement dans l'épisode sur le chaos, puisque c'est exactement ça le sujet. C'est-à-dire qu'en gros, un système chaotique et la météo, tout porte à croire que ce soit un système chaotique. Le principe, c'est qu'on ne peut rien dire sur... sur le moyen terme et le long terme, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain, après-demain, etc. En revanche, on peut dire quelque chose sur le très long terme, dans le sens où si l'expérience est répétée un grand nombre de fois, on peut donner un résultat statistique. C'est un peu le pile ou face, je ne peux rien dire sur le lancer qui va venir, mais par contre, je sais que si je joue 1000 fois, je sais à peu près ce que j'aurai. Quoi. Ouais, merci, ouais, c'est exactement ça. T'as bien résumé. Ouais, bien résumé, oui. Ok, donc on va passer à un deuxième argument. Alors, c'est un graphe qu'on voit souvent. Donc, tu en as parlé sur ton blog, en fait, qui montre que si on regarde, la température est stable. Donc, je précise sur une période de temps. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ça ne reflète pas la réalité ? C'est ce qu'on a dit au début, effectivement, quand on a parlé du climat et du fait qu'on regardait des moyennes et surtout qu'on regardait sur des périodes assez longues. En fait, pour avoir comme ça oscille souvent naturellement de manière assez grande d'une année sur l'autre, notamment la température moyenne, ou quand on regarde aussi des courbes par exemple en Arctique, quand on regarde la couverture de la glace sur mer d'une année sur l'autre, ça va être plus ou moins grand, plus ou moins petit, et ça bouge quand même pas mal. Et donc, par exemple, je crois récemment, ça a de nouveau augmenté. Il y a 2 ans, c'était encore très bas. Voilà. Ça oscille pas mal. Donc, on a vraiment des courbes qui oscillent pas mal comme ça. Donc, c'est très facile, en fait, de choisir 2 points sur une courbe donnée et de dire, ah, vous voyez, de ce point-là à ce point-là, ça ne bouge pas. Donc, il n'y a pas réchauffement ou il n'y a rien qui se passe ou on nous a menti, ou etc. Donc, ça, c'est très, très classique comme phénomène. Mais en fait, ce qu'il faut regarder, c'est vraiment une évolution sur un long terme. Et à chaque fois qu'on commence à regarder les évolutions sur un long terme, eh ben, c'est beaucoup plus difficile de nier l'augmentation de la température ou d'autres indicateurs qu'on a signalés un peu plus tôt. Un truc classique, par exemple, et je crois que tu en voulais en parler un peu plus tard, mais un truc classique, c'est... on dit souvent, là, depuis quelques années, on entend « Ah bah, le réchauffement climatique, il y a une pause depuis 1998, ça ne s'est pas réchauffé. » Et on montre une courbe où on a une ligne qui part de 1990 jusqu'à 2012, par exemple, ou 2013, en disant « Vous voyez, c'est une ligne droite. » Et puis, effectivement, on a des oscillations qui se font autour de cette ligne au niveau de la température. Quand on ne connaît pas vraiment, on se dit « Bah oui, c'est vrai, tiens, ça n'a pas l'air de beaucoup bouger. » Donc, d'une part, il y a... un site qui a mis en image ce phénomène de manière assez ludique, donc je vais essayer de le mettre sur la chatroom et puis pour que les gens voient ce graphique, mais je pense que la plupart d'entre vous l'avez peut-être déjà vu. D'une part, il y a ce graphique qui est très intéressant à regarder, mais bon, évidemment, dans la radio ça passe pas, et d'autre part, il faut comprendre que 1998 est une année qui est choisie non pas au hasard, mais c'est une année qui a été extrêmement chaude pour une raison particulière, c'est qu'il y a eu un phénomène climatique assez particulier cette année-là, qui est un mouvement océanique au niveau du Pacifique qui s'appelle El Niño. Et ce mouvement a dégagé, donc contribué à un réchauffement, ce mouvement en particulier. Et donc, cette année 1990 a été exceptionnellement chaude par rapport à ce qu'on attendait habituellement. Donc, on prend une mesure où on est tout d'un coup hors de la norme. Et puis, de cette mesure-là, on dit « Ah ben, vous voyez, ça n'a pas bougé. Oh, c'est la pause. Ça fait 15 ans que c'est la pause. On nous ment, etc. etc. » mais en fait, quand on prend l'année 1997, bah, tout de suite, on voit l'augmentation. Même aujourd'hui, avec les années qui ont augmenté, là, 2014, même en partant de 1990, on a une légère augmentation de la température, même si c'est vrai que ces 10 dernières années, ça, c'est, la vitesse est un peu diminuée. La vitesse d'augmentation de la température, c'est un peu diminué. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas réchauffement, du coup, mais simplement que c'est un peu plus lent sur ces 10 dernières années. Ok. Alors, il y a aussi pas mal de critiques, je crois, au niveau des modèles. Ouais, ouais. Les modèles, c'est vraiment c'est, le je sais sujet. Pas, pourquoi tant de haine, quoi. Ça pourrait être le comment ça s'appelle le tu cherchais hein, la cote de la semaine, ça pourrait être ça. Pourquoi tant de haine? Bah, enfin non, tu quand même sur les modèles, j'imagine que tu en parlais, mais ça fait partie des objets de sciences appliquées les plus complexes, les modèles de climat. Oui. Et du coup, c'est sûr que quand on a une boîte. Je ne vais pas dire boîte noire parce que ce serait un peu abusif, mais qu'on a une boîte d'une telle complexité, et ça a été démontré dans certains cas, c'est pas évident, on peut des fois se demander si on est en train de regarder ce que provoque cette boîte ou si on est en train de regarder vraiment ce qu'on est en train d'analyser, quoi. Ça paraît sain comme raisonnement. Après, ils essaient de s'améliorer, ils essaient de faire du contradictoire, etc. Hein. Je ne dis pas que la démarche est mauvaise, mais je trouve que la critique de base qui consiste à dire on a quand même des trucs sacrément compliqués et pas dénués de sens. Quoi. Non, mais quand on voit que ces mêmes modèles arrivent à vraiment... tracer l'évolution de la température tout au long du XXe siècle de manière quand même très très très très fidèle à ce qu'on observe. Là, on se dit, à un moment donné, faut pas déconner, qu'on peut pas tout d'un coup tout rejeter parce que sur 10 années, on est un peu plus haut que la normale, parce que ces 10 dernières années, les modèles ont estimé un réchauffement un peu plus haut que ce qu'on attendait. Et du coup, voilà, parce qu'il y a un petit écart, ça y est, on va tout abandonner, alors que les modèles ont fait leurs preuves pendant toute une période et font encore leurs preuves sur plein de par exemple, parce qu'on n'est pas obligé d'appliquer les modèles simplement sur les températures globales sur la Terre entière. On applique aussi des modèles sur certaines régions, sur les précipitations, etc. Et là, on a parfois très rapidement possibilité de regarder si le modèle concorde avec la réalité sur des périodes un peu plus courtes ou des régions un peu plus petites, donc c'est plus facile à mesurer, etc. Donc, sur les modèles, c'est pas n'importe quoi. Ça part des phénomènes physiques qui sont modélisés, et à partir de ces phénomènes physiques qui sont modélisés, on a rajouté de la complexité pour que les modèles deviennent de plus en plus fidèles. Donc, par exemple, aujourd'hui, on a des modèles qui font un maillage de la Terre pour être au plus près, on doit être, je ne sais plus, je crois que j'en avais parlé sur mon blog, je crois que c'est des maillages de 30 km, il faudrait que je regarde exactement ce que j'ai mis. Donc pour être au plus fidèle de sur quelle zone on aura de la glace, quelle zone on aura des océans, parce que du coup si on a de la glace ou des océans ou de la forêt, etc., bah, le dégagement au niveau solaire, la réflexion au niveau solaire va être différente. Si on est proche d'un balcon, les dégagements de CO2 ou proche d'une industrie, les dégagements de CO2 seront différents, etc. Donc on a vraiment de plus en plus, bien sûr ça devient de plus en plus compliqué, mais aussi de plus en plus fidèle avec la réalité. Et on vérifie que ces modèles sont efficaces, parce que quand on a, par exemple, des perturbations, c'est pas ça que je veux dire, quand on a des éruptions volcaniques très importantes, comme il y en a eu par exemple dans les années 90, et qu'on voit que les modèles arrivent justement, donc quand on a des éruptions volcaniques, généralement la température baisse, et quand on voit cette baisse dans les modèles qui suivent justement ces éruptions volcaniques, On se dit, bah oui, donc c'est, le modèle fonctionne bien, quoi. Je pense que sur les modèles, c'est une attaque facile un peu, mais certainement pas justifiée. Et alors, du coup, pour continuer sur les critiques classiques mainstream, je vais me faire l'écho de ce que j'entends, parce que de toute façon, je trouve que, enfin, moi, je les analyse comme des arguments qui me paraissent pas stupides, donc tu auras sans doute des réponses à ça. C'est qu'un autre critique qu'on entend beaucoup sur les modèles, c'est le problème des données initiales en particulier, sur. Où ça fait pas très longtemps finalement qu'on a beaucoup de données sur le climat par rapport à l'échelle climatique. Alors moi, c'est des oui-dire là dont je parle, hein. J'ai bien sûr aucune source, mais j'imagine que tu as des choses à me dire là-dessus. Bah, il en a parlé en fait. Ouais, un peu. On a quand même, enfin en termes de données, on a maintenant, donc depuis, c'est vrai qu'on en a de plus en plus en fait. Oui, bah, donc, ça, il y a ouais. Le système Argo là, dont j'ai parlé, donc les bouées dans la mer depuis 2005, on a tout ce qui. Peut-être ce qu'on peut dire, c'est que la plupart des gens pensent que le climat, c'est juste les modèles. Alors qu'en fait, le climat, à la base, c'est plein d'observations. Et après, viennent des modèles qui permettent de prédire des choses et en déduire des conséquences politiques ou stratégiques, économiques. Mais à la base, le climat, c'est vraiment plein de données d'observation. Donc on a toutes les températures donc, au sol, dans les stations ou sur les bateaux, par exemple. On a tout le système paléoclimatologie où on arrive à trouver plein de données qui nous permettent de remonter dans l'histoire pour savoir ce qui s'est passé dans le passé. On a les satellites maintenant, donc depuis 40 ans, qui nous permettent aussi de découvrir, d'avoir des données en plus pour mesurer. Par exemple, avec les satellites, on peut mettre en évidence que la troposphère, donc la troposphère, c'est la partie basse de l'atmosphère. Et donc, comme il y a l'effet de serre, ben, normalement, on s'attend à ce que la partie basse de l'atmosphère se réchauffe et que la partie haute de l'atmosphère se refroidisse. Contrairement à ce qu'on attendrait si c'est le Soleil qui réchauffait la planète. Si c'était le Soleil qui chaufferait la planète, on aurait une augmentation de la température au niveau basse de l'atmosphère, mais aussi au niveau haute de l'atmosphère. Mais ce qu'on observe avec les satellites, c'est vraiment une augmentation de la température au niveau basse de l'atmosphère, qui concorde exactement avec ce qu'on pense de l'effet de serre et ce qu'on observe du coup aujourd'hui avec l'augmentation du CO2. Et donc, voilà, c'est une masse de données, mais considérable qu'on a. Et bon, quelque part, tu as raison, il y en a beaucoup plus maintenant. Mais voilà, c'est les modèles, c'est vraiment un petit point dans la climatologie qui est avant tout une science basée sur des faits, quoi, sur des faits réels. D'ailleurs, sur cette histoire de modèles, et puisque je parlais des satellites, eh ben, figure-toi que il n'y a pas si longtemps que ça, les satellites. Je ne saurais pas vraiment bien t'expliquer quels étaient les problèmes scientifiques derrière, mais les satellites montraient qu'il y avait un refroidissement de la troposphère, donc cette couche basse de l'atmosphère. Et donc ça faisait grand plaisir à nos amis climato-sceptiques qui disaient « Ah, vous voyez, ça contredit le réchauffement climatique, ça contredit l'idée de l'effet de serre, etc. » Eh bien, il se trouve que donc, ça contredisait les modèles aussi, puisque les modèles prévoyaient un réchauffement de cette troposphère. Eh ben, il se trouve qu'on avait deux solutions, soit on jetait les modèles, soit il y avait un problème ailleurs. Eh ben, il se trouve qu'on a fait confiance aux modèles et on s'est rendu compte qu'il y avait une erreur dans la manière dont on mesurait la température de la troposphère via les satellites. Et donc il y a un correctif qui a été fait, et du coup on trouve bien un réchauffement par les mesures de satellites de cette troposphère qui concorde du coup avec les modèles. Donc comme quoi parfois les modèles peuvent nous servir à ajuster nos mesures. Donc, c'est dire qu'ils sont quand même intéressants à utiliser. Ça va, j'ai perdu personne. Et au-delà d'intéressants à utiliser, finalement, enfin, c'est tout ce qu'on a aujourd'hui. C'est aussi, enfin, tout ce qui, enfin, on n'a pas mieux finalement. On aurait plus simple et plus efficace, on l'utiliserait, quoi. C'est pas aussi, pour le plaisir. Oui, tu as raison. Oui. Ok, bah, je vous propose qu'on passe aux questions des auditeurs parce que bon, ils vont balayer à peu près le reste de ce que j'avais préparé. Ouais, on a tout plein de questions, éditeur. Tu veux les lire ou enfin comme tu veux. Ouais, on va se relayer. Alors, on a une première question de Stéphanie qui demande pour toi quels sont les enjeux majeurs de la COP de Paris en décembre. Ouais, il faut que je m'assure que les sujets chiants sont abordés. Mais tu nous en as parlé, non? Non, je crois, elle parle de la conférence qui va y avoir lieu à Paris en 2015, oui, là, c'est ça ? Tu nous en avais parlé avant l'émission, en fait, c'est ça ? Peut-être, non, je crois que je t'en avais parlé par mail en te disant ce serait bien qu'on fasse un truc spécial, tu vois, un truc... C'est tout, on voulait que t'en parles maintenant. qui cartonne en décembre 2015 pour... voilà, pour Ça ne nous empêche pas d'en parler en décembre 2015. Hein. Ouais. Eh ben, écoute, quels sont les... C'était quoi la question ? Les enjeux majeurs. Les enjeux majeurs ? Je crois que les enjeux majeurs, c'est... là, je vais parler... je parle en mon nom, là. Hein. C'est, enfin, je parlais en mon nom avant, mais je m'appuyais sur une base scientifique. Là, je parle simplement... pour moi, c'est les enjeux majeurs, c'est comment réduire les émissions des gaz à effet de serre et comment faire en sorte que... qu'on arrête de réchauffer cette planète, parce que c'est pas seulement on menace les hommes, mais on menace aussi plein d'espèces d'animaux. Par exemple, j'en ai pas parlé, mais à mesure que le taux de CO2 augmente, il y a une absorption plus grande de ce CO2 dans les océans, et du coup les océans s'acidifient, et en s'acidifiant il y a des espèces de crustacés qui sont du coup qui peuvent être menacées si le pH de l'eau diminue trop. Il y a plein d'espèces qui peuvent disparaître. Sans parler des ours polaires, qui ont été très popularisés aussi. Mais voilà, il y a pas que l'homme. Hein, l'homme, hein, c'est très important parce qu'il y a aussi le niveau des mers qui monte, les ouragans et les épisodes de plus en plus intenses qui vont peut-être se produire. Des problèmes au niveau de l'agriculture, peut-être si on a des périodes de sécheresse qui deviennent difficiles, etc. Donc, je pense qu'on a vraiment tout intérêt effectivement à communiquer sur le problème du climat, à faire en sorte que les gens prennent conscience de ce problème. Et je voulais d'ailleurs un peu parler de ça, du coup. Je voulais faire une émission courte, mais alors faut me retenir. On a essayé, hein. Je vais partir. Ouais, non, mais je vais tenir mieux que pour les médecines alternatives. Sinon, on va finir dans 2 heures. Et donc, ouais, ce qui m'intéressait, c'est j'avais trouvé des trucs sur pourquoi les gens refusent ou n'agissent pas pour le réchauffement climatique ou ne prennent pas conscience du problème qu'est le réchauffement climatique. Et un des problèmes qui sont pointé par certains chercheurs, hein, des psychologues, hein, plutôt, c'est la réaction qu'on a face à la peur. On réagit plus fortement quand la peur nous touche personnellement. Ça, c'est quelque chose qu'on peut toujours concevoir facilement. Quand la peur vient rapidement aussi, on a toujours beaucoup plus peur que quand elle est lointaine. Quand elle est immédiate et quand elle n'est pas morale, ça va nous toucher plus aussi que quand... dans la situation inverse. Et donc, dans le cas du climat, c'est justement tout le contraire, quoi. C'est quelque chose qui vient lentement. C'est un risque. On part toujours du problème climatique au futur. On dit les générations futures vont en souffrir. Alors qu'en fait, on en souffre déjà. Nous, on en souffre déjà. On voit déjà des conséquences, même si on ne peut pas dire exactement c'est le réchauffement climatique, mais on voit déjà des conséquences qui semblent être très probablement dues à ce réchauffement climatique. Donc, cette perception du risque est un peu faussée. Ça permet de nous dire on a du temps, quoi. On va voir ce qui va se passer, ou on oublie, quoi. On préfère pas y penser. Donc voilà, cette notion du risque, je pense qu'elle est très importante. Et comme on analyse mal ce risque, parce que il y a deux hypothèses, hein. Il y a l'hypothèse évolutionniste en disant quand notre cerveau c'est assez récent finalement. On a vécu pendant des millions d'années sous forme de tribus, avec des dangers qui étaient très proches de nous et très immédiats. Donc c'est assez récent qu'on est dans une société où on n'a pas de danger tel qu'on a pu le connaître il y a 100 000 ans ou 1 million d'années. Donc notre cerveau aurait évolué pour maximiser ces dangers immédiats et minimiser les dangers petits et faibles qui arrivent de manière lointaine, quoi. Je ne sais pas si c'est vraiment une hypothèse qui a été justifiée, mais c'est souvent avancé pour expliquer ce... C'est vrai que, de toute façon, le réflexe qu'on a un peu tous, le réflexe de base, quand on entend parler de réchauffement climatique, quand on entend parler de « ça va augmenter de 2-3 degrés, c'est le drame », on se dit « ouais, moi cet hiver j'ai eu froid et 3 degrés c'est pas grand-chose ». S'il y a à la fois cet effet, c'est ce que tu dis, c'est que c'est très long terme, et puis en plus, des choses qui paraissent dans. Enfin, quand il y a 2 degrés de plus un été, on ne se dit pas que ça va tout changer, etc. C'est juste qu'au niveau Ouais, climat, et ça change beaucoup surtout, de c'est choses, quoi. qu'on confond, parce que quand on dit 2 degrés de plus en moyenne, ça veut dire qu'il y a certains endroits où il va y avoir peut-être plus 10 degrés, ou certains endroits où il y aura peut-être moins 10 degrés. C'est-à-dire, localement, ça peut être complètement différent. Et pour donner aussi une autre idée, je vais arrêter là, c'est que je crois que la différence entre période glaciaire et période interglaciaire, c'est genre plus ou moins 5 degrés. Donc, Donc c'est énorme. c'est énorme. Ouais. Donc c'est énorme. Et alors justement sur ces histoires de degrés, un truc qu'on entend souvent, enfin en particulier sur le GIEC depuis plusieurs rapports, c'est cette histoire de il est nécessaire de rester à une augmentation de plus de degrés max. C'est une question là de Stéphanie qu'on a là-dessus. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler. On a l'impression que le GIEC chaque année disait il faut surtout pas dépasser ça. Et puis là, je crois que dans le dernier rapport, ils ont plus ou moins dit c'est foutu. Alors c'est quoi cette histoire de limite? C'est de la communication ou il y a quelque chose de fondé derrière? En fait, donc on parle souvent de ce qu'on appelle la sensibilité du climat. Donc, la sensibilité du climat, alors, peut-être je ne vais pas vraiment tout à fait répondre à la question, mais la sensibilité du climat, c'est de combien la température va augmenter si on double, pour un doublement du CO2 dans l'atmosphère. Et donc, je pense que ce plus de degrés, c'est souvent en référence à cette sensibilité du climat. Donc, si on reste, je crois que si on reste tel qu'on est aujourd'hui, on s'attend à avoir une augmentation de plus de 2 degrés au niveau du climat. Et si on augmente la quantité de CO2 de manière importante, je pense qu'on va déplacer ce plus de 2 degrés. Du coup, voilà, je ne sais pas trop quoi d'autre répondre. En fait, si, enfin, moi, comme Je crois que je ce plus vois, de degrés vient de là, quoi. Voilà, c'est je ouais, je me rappelle pas exactement des scénarios du GIEC, mais en gros, c'était Qu'il soit d'arriver à à sa place comme maintenir ça. cette augmentation-là. Pour pas tomber dans un scénario catastrophe entre guillemets quoi. Ouais, C'était il y a des allez, mesures. on tente le moins pire quoi. Il y a une chose qui est que, a priori, si ça se réchauffe trop, ça va s'auto-entretenir en plus, s'accélérer. Bah il y a des oui il y a des Avec le retours permafrost, les machins comme ça. il y a des retours qui sont très vicieuses qui accentuent le phénomène parce que plus il fait chaud par exemple plus il y a d'humidité plus l'air peut emmagasiner de l'humidité. C'est pour ça que par exemple l'été voilà, on peut avoir beaucoup d'humidité dans l'air. Donc, s'il y a beaucoup d'humidité dans l'air, la quantité de H2O dans l'air va augmenter. Et comme le H2O, comme l'a dit, c'est un gaz à effet de serre qui est même plus important que, aux conséquences encore plus dramatiques que le CO2, eh ben, ça contribue encore plus à réchauffer. Donc, il y a déjà ce phénomène-là. Et si ça se réchauffe, il y a les glaces qui vont fondre, les glaciers qui vont fondre, et donc la réflectivité de la Terre va diminuer, donc la Terre va emmagasiner encore plus d'énergie solaire, donc ça va encore réchauffer. Donc, voilà, il y a des actions comme ça qui, effectivement, font emballer le système. Alors, évidemment, ça pose un problème conséquent. Pour la suite, quoi. On a une question de Jean-Phi qui demande, est-ce vrai que le méthane émis par les bovins a une influence sur le climat ou est-ce une idée reçue? Non, c'est vrai, c'est le méthane, c'est effectivement un gaz à effet de serre. Oui. Je fais court. Ouais, très bien. Non, oui, c'est pas une idée reçue, c'est effectivement un problème. Oui. C'est un problème, donc Après, ok. on a notre cher économiste Ah bah, qui est je te la passé, laisse. qui vient nous poser une question plutôt politique. Je ne sais pas si tu vas avoir grand-chose à dire là-dessus. C'est un sujet, comme mon comédie, qui fait pas trop qui fait surtout débat dans le grand public et dans les politiques, mais pas trop chez les experts. C'est la taxe carbone et où les marchés du droit à polluer pour réduire les émissions. Je ne sais pas si tu as un mot à dire là-dessus ou si c'est pas ton Bah, domaine. j'aurais un mot à dire en tant que Humilié. nourri à l'extrême gauche depuis 15 ans, quoi. Mais, bah, moi, après, bon, c'est mon opinion personnelle. Je pense que c'est. On monnaie la possibilité aux grandes entreprises de polluer, en fait. C'est donc ce que je retrouve personnellement scandaleux. Donc, on arrive à finalement. Tout devient marchandise et polluer devient une marchandise. Donc, les grandes entreprises. Déjà, je pense qu'on a donné tellement de quotas que finalement, les mecs, ils peuvent polluer autant qu'ils veulent, il n'y a aucun problème. Et en plus, ils peuvent racheter des quotas à d'autres pour polluer encore plus. Donc, je crois que c'était vraiment la pire idée qu'on pouvait avoir. Ça donnait peut-être une impression de se sentir un peu bien moralement dans sa tête pour se dire, tiens, on a fait quelque chose pour le climat. Mais en fait, voilà, les vraies décisions politiques, elles ne sont pas prises parce qu'on ne veut pas aller à l'encontre des intérêts de ces grands groupes industriels. Bon, et du coup, toute la... Il y a un livre donc qu'il faut lire hein, si on veut partir dans les domaines politiques et les problèmes avec des scientifiques qui dénigrent justement l'origine anthropique du réchauffement climatique. C'est le livre de Oresk, que peut-être vous vouliez en parler aussi. C'est le marchand de doute, je crois, ça s'appelle en français. Donc on mettra les références dès qu'on les aura. Mm-hmm. Et puis, c'est un livre à lire qui montre comment certains groupes industriels ont financé des scientifiques pour dénigrer les connaissances scientifiques du moment et permettre justement à ces grandes entreprises du coup, de continuer leur politique de pollution, entre guillemets. Quoi. Bon, on rappelle malgré tout, comme tu disais au tout début, que c'est une opinion politique. Il y a mine de rien d'autres opinions sur le sujet. On n'est pas un podcast de politique. Je le rappelle à tout hasard pour qu'on se fasse pas spammer sur le sujet. Je parle sans vraiment avoir de données. C'est une idée, quitte à me faire un peu l'avocat du diable, c'est une idée qui vient pas de nulle part non plus, qui a des gens qui pensent que en mettant ce genre de règles, il peut y avoir une sorte d'autorégulation qui se fait. Et comme on est sur des problématiques climatiques, il peut y avoir aussi des gens d'endroits qui compensent d'autres, etc. Donc il y a deux, trois idées derrière. Voilà, bon, je suis plutôt de ton avis, mais c'est important de. Il y a sans doute d'autres opinions. Encore un gauchiste. Je ne suis pas de formation d'extrême gauche. Mais, d'accord. Mais j'avoue que j'ai du mal aussi avec l'histoire de pouvoir acheter la pollution. Mais j'ai entendu de très bons contre-arguments là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a aussi un côté pragmatique là-dessus de. C'est peut-être mieux que rien finalement. Et c'est peut-être une première étape. Donc c'est des arguments qui peuvent se recevoir aussi, quoi. Et qu'entend souvent très mal l'extrême gauche, justement, de dire c'est mieux que rien. C'est-à-dire que si tu vis dans un monde idéal où les gens suivent les règles, tu peux dire que tu baisses, par exemple, chaque année le nombre de. Enfin, la quantité de droits à polluer autorisés. Et tu pourrais rêver comme ça qu'effectivement la quantité de gaz CO2 réduise chaque année. Je veux dire, c'est. Ouais. L'argument, effectivement, moi j'avais entendu plusieurs fois des gens qui avaient des arguments assez. Assez convaincant. Après, effectivement, je pense que le problème, c'est que le problème essentiel, c'est que c'est dans un monde idéal déjà. Ok, bon, de toute façon, on va pas s'étendre là-dessus. Mais par contre, sur les quotas et compagnie, on a quand même une question de Stéphanie importante, à mon avis, au moins que tu l'évoques. C'est de dire un petit mot peut-être sur Kyoto et Montréal. Alors, je connais pas trop au niveau Montréal, j'imagine que c'est un autre protocole. Mais en tout cas, Kyoto, on a pas mal entendu parler. Ah, et ben écoute, Julie, justement, voulait en parler. Je lui ai dit non, pitié, n'en parle pas parce que j'y désolé. Connais rien. Bon, ben écoute, si tu veux, t'as le droit de dire j'y connais rien, c'est mieux. Donc, c'est la particularité d'un podcast, t'as le droit de dire j'y connais rien. Moi, je préfère largement que de dire n'importe quoi. Pardon, mais là, je préfère m'abstenir. Ouais. Ok. Bon, on fera peut-être un retour. Ouais, on en parlera. Du coup, là-dessus, Stéphanie et puis son cher collègue, là, j'ai oublié son nom. Si vous voulez nous faire un retour pour le freestyle, nous envoyer un mail, n'hésitez pas. Voilà. On peut le faire remonter, quoi. C'est vrai que ce serait. Moi, je trouvais que c'était intéressant. Après, il y a suffisamment de choses à dire pour que on puisse ne pas en parler. Mais si ça intéresse, on fera un petit retour. Donc, s'il y a un auditeur qui est partant, avec plaisir. Ensuite, on a une question dans le genre question technique de Ewi qui demande « Et le modèle de Lorenz, il donne quoi sur le réchauffement climatique ?» Je ne comprends pas la question, personnellement. Ça n'a pas de sens. En fait, le modèle Lorenz, c'est simplement un modèle qui a été le premier modèle qui montre un phénomène chaotique. D'accord. Ok. À partir d'équations déterministes, en fait. Voilà. Alors, bon... J'en avais parlé dans l'épisode sur le chaos, mais il a fait un phénomène tellement simplifié que si c'est encore en rapport avec la météo, c'est un gros coup de peau quand même. Et déjà, ce modèle extrêmement simplifié est chaotique. Donc disons que c'est juste un truc qui permet de dire que probablement on n'arrivera pas à faire mieux que du chaotique pour la météo. Quoi. Je passe à la question suivante. Sur la question suivante, on va y passer, je pense, rapidement, mais c'est peut-être intéressant, peut-être que tu as deux, trois choses à dire. On nous demande quels sont les arguments des négationnistes du réchauffement climatique. Bon, t'en as déjà parlé hein, sur le fait que c'est souvent pas des spécialistes, etc. Je sais pas si t'as des choses à raconter là-dessus. La question, c'est quels sont les arguments des climato-sceptiques ou... C'est ça ? Quels sont les arguments qu'ils avancent ? La question exacte, c'est quels sont les arguments des négationnistes du réchauffement climatique ? Donc, ils parlent même pas de climato-sceptique. Ouais. C'est par exemple, ils disent c'est à cause de la vapeur d'eau, c'est pas le CO2, par exemple. Après, il faudrait que je réponde à chaque fois, non ? Je sais pas. Enfin, est-ce qu'il y a des gens qui disent la température ? Enfin, il n'y a pas de réchauffement climatique. Yeah. Ou est-ce que ça se joue sur les causes, quantité, mais... Je pense qu'ils sont vraiment une poignée maintenant à dire qu'il n'y a pas de réchauffement. La plupart sont obligés de dire qu'il y a un réchauffement, mais généralement, ils disent que ce n'est pas l'activité humaine, ou ça peut être le soleil, ou ça peut être la vapeur d'eau, ça peut être... ou on a déjà connu ça dans le passé, donc ce n'est pas très grave, ou on a connu des périodes plus chaudes, ou... voilà, ou certains peuvent dire, je sais pas moi, l'Antarctique regagne par exemple la couverture de glace sur la mer en Antarctique augmente, donc ça refuse le réchauffement climatique, ça démontre qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Voilà, il y a ce genre d'arguments qui peuvent apparaître. Et là-dessus, donc, pour rappeler, parce que la répétition fait jamais de mal, c'est la plupart du temps, donc c'est des, enfin même quasiment tout le temps, c'est pas des spécialistes qui parlent, c'est plus des amateurs sur le sujet, même si des fois ils sont pas très loin. Là, on nous dit que Laurent Cabrol. Alors ça peut être des scientifiques aussi. Hein. Typiquement. Il y a même des climatologues qui sont proches des communautés climato-sceptiques. Il y en a quelques-uns qui sont très connus. Voilà, il y en a deux ou trois. Quoi. Voilà. Ça arrive. Ça veut pas dire que il y a pas consensus et ça veut pas dire que on n'est pas sur un consensus fort dans cette idée de la région anthropique du réchauffement. Ok. Et parfois, c'est aussi des gens très intelligents qui émettent des avis contre cette idée, des physiciens qui ne sont pas climatologues, mais qui ont une bonne connaissance de la physique. Ouais, alors ça, c'est le truc, bah, comme tu reviens à chaque fois sur des sujets... à consensus scientifique mais pas médiatique, ça se retrouve un peu dans d'autres sujets où il y a des, enfin c'est en homéopathie où il y a un prix Nobel qui défend l'homéopathie. Il y a des gens qui peuvent être des très bons scientifiques dans certains domaines et qui se retrouvent à pas du tout avoir la même approche dans d'autres domaines, quoi. Oui. On a une question de Jean-Phi après qui demande où se situe-t-on par rapport au cycle glaciaire de la Terre. Ben, je crois qu'on est dans une période justement glaciaire, donc ce qui est pas très bon pour nous. Je pense que là, en fait, non, théoriquement, là, on est dans une période de refroidissement, quoi, depuis quelques milliers d'années. Bon, la question suivante, c'est pas vraiment une question, je pense qu'on mettra ça peut-être dans les notes de l'émission, c'est un rapport d'un laboratoire d'économie d'environnement de Toulouse School of Economics qui donne des idées de genre de solutions des économistes pour limiter le réchauffement climatique. C'est notre cher Olivier Simar Casanova qui nous donne ce lien, donc on tâchera de le mettre dans les notes de l'émission pour ceux que ça intéresse. Ouais, alors ça peut être intéressant que tu nous fasses un retour là-dessus, c'est encore assez général sur les notions de justement consensus scientifique et pas médiatique. Et oui, qui dit, parce qu'on t'a beaucoup parlé de consensus scientifique et de revues à comité de lecture, qui dit qu'il faut faire attention avec les revues à comité de lecture. C'est vrai qu'on entend de plus en plus d'histoires de gens qui ont réussi à faire accepter des articles qui sont des articles bidons, quoi, dans les revues à comité de lecture. Oui, bien sûr, oui. Oui, alors, c'est vrai, ça arrive. Ouais. Il faut plutôt parler de revues de rang A ou A+, par exemple. Oui, mais ce n'est pas très parlant pour le grand public. Mais oui, bon, donc, c'est dans l'idée de consensus, il y a une idée de masse, en fait. Et on pourrait même dire que dans les revues de rang A et A+, il y a aussi des bêtises qui sont parfois publiées. Ça arrive aussi. Hein. Par exemple, l'article sur la vaccination qui prétendait que la rougeole... le vaccin contre la rougeole provoquait l'autisme, c'était publié dans une revue très réputée. Ça a été retiré par la suite, mais au départ, c'était publié dans une très grande revue. Donc bon, ça arrive aussi. Donc. Mais il faut toujours avoir effectivement un regard critique sur les publications et donc voir l'ensemble des publications. Est-ce qu'ils vont dans un certain sens ou pas? Et comment est-ce qu'on peut savoir l'ensemble des publications, à quel sens ils vont? Ben, on regarde justement les synthèses de la littérature. Et ces synthèses de littérature sont faites soit par les agences académiques ou nationales, soit justement par des organismes comme le GIEC. Enfin, ça n'existe que pour le climat, mais voilà. Éventuellement, d'autres organismes peut-être sauteront un jour sur d'autres thématiques. Ok. Ensuite, on avait une question de Jorkan62 qui dit « Cycle solaire et réchauffement climatique, Kezako ». Mais ça, tu en as déjà parlé du coup? Non, on n'en a pas parlé. Effectivement, en fait, depuis 40 ans, le cycle solaire est plutôt faible. Donc, on s'attendrait à ce qu'il y ait une diminution de la température. Et ce n'est pas ce qu'on observe. Et donc ça... c'est une des premières raisons pour lesquelles on pense que le soleil n'est pas la cause. Enfin, voilà, c'est pas le soleil. C'est une des raisons que c'est pas le soleil. Une autre raison, c'est ce dont je parlais avant, c'est le réchauffement des parties basses de l'atmosphère et pas des parties hautes, qui montre aussi que c'est pas dû au soleil. Et puis le soleil a des cycles de 11 ans, donc d'oscillation de 11 ans où ça monte et ça descend. Et depuis, si on regarde les 40 dernières années, ces cycles n'expliquent en rien la montée des températures qu'on voit aujourd'hui. D'accord. Voilà. Qui fait une remarque, je crois que c'est quand je disais que les modèles étaient compliqués, il disait que ce n'est pas des trucs compliqués, c'est des trucs complexes, ça fait une grosse différence. Oui, c'est une bonne remarque. Avant la dernière question, on a une remarque d'Idée Muel, ça on mettra aussi dans les notes de l'émission, qui nous donne un lien pour créer son scénario bas carbone à l'horizon 2050. Bon, c'est uniquement pour la Belgique, il y en a un autre qui permet de faire la même chose au niveau mondial. A priori, c'est assez rigolo, on simule et on voit ce qui se passe. Donc voilà, c'est tool.globalcalculator.org pour ceux que ça intéresse. D'accord. De faire joujou. Il y a d'autres sites comme ça, par exemple, il y a des sites scientifiques. Enfin, d'instituts scientifiques pour regarder l'évolution de la température jusqu'à aujourd'hui. On peut avoir accès aux données en fait de ces températures, donc on peut tracer des graphes, on peut calculer des choses dessus. Donc, je donnerai les liens si besoin. Et après, je les aurai retrouvés. On a une question. Alors, j'ai oublié de noter qui c'était, qui est assez étonnante, mais je me suis demandé si tu avais quelque chose à en dire. Peut-être que c'est bête. Est-ce que l'augmentation du CO2 pourrait pas être aussi une conséquence du réchauffement au lieu d'en être la cause? Si, c'est une très bonne remarque. D'ailleurs, les climato-sceptiques jouent là-dessus parce qu'ils généralement ils disent on nous montre les courbes de corrélation entre le CO2 et la température. Mais en fait, quand on regarde précisément, on observe que l'augmentation de la température précède toujours l'augmentation du CO2 dans l'histoire, dans les reconstructions historiques. Alors, d'une part, ce n'est pas vrai pour la période actuelle, puisque là, on a vraiment une augmentation du CO2 qui arrive avant l'augmentation de la température. Et d'autre part, donc ce lag-là, ce petit retard, il est expliqué scientifiquement. Généralement, ce qui se passe, c'est quand la température augmente pendant les périodes interglaciaires, on a des dégagements de CO2 qui se font dans les océans. Donc, c'est bien la température qui précède le CO2 dans ce cas-là. Mais rapidement, le CO2 réaccélère ce réchauffement. Du coup, il y a un feedback positif, ce qu'on appelle un feedback positif. C'est-à-dire qu'il y a bien d'abord la température qui augmente et tout d'un coup un dégagement de CO2. Mais ce dégagement de CO2 devient tout d'un coup prépondérant par rapport à cette augmentation de la température due à l'inclinaison, par exemple, de la Terre par rapport au Soleil ou à la manière dont la Terre tourne autour du Soleil. Hein. Parce que les périodes interglaciaires, on n'en a pas parlé, mais c'est effectivement les mouvements de la Terre et la manière dont la Terre tourne autour du Soleil qui explique ces phénomènes, ces épisodes-là. Donc il y a pas mal d'articles qui ont analysé ce phénomène et qui justement mettent en évidence ces rétroactions, c'est-à-dire effectivement la température peut parfois déclencher un dégagement de CO2 qui, en retour, augmente de nouveau cette température encore, de manière encore plus forte. Donc la causalité peut se faire dans les deux sens, du coup. Voilà. Ok. Bah, merveilleux, je crois qu'on n'a plus d'autres questions. On a Olivier Simar Casanova qui était déçu d'une réponse, mais j'arrive pas à savoir laquelle, donc on verra peut-être d'ici la fin de l'émission. Je crois que, vu qu'il a posé que des questions au niveau politique, j'imagine que c'est sur les réponses au niveau politique, en particulier sans doute sur. C'était la sur, taxe quand carbone. Tu t'es lancé au niveau extrême gauche où il y a moyen que ça l'ait déçu. Ouais, c'est sur les taxes carbone. Ah oui, j'aurais pas dû parler. Ah oui, il s'attendait pas en tant qu'éduqué à l'extrême gauche. Pauvre Olivier. Bah, il nous fera peut-être un retour pour le freestyle avec sa vision de la chose parce que Bah Olivier, fais-nous un retour. Il dit c'est pas politique vraiment, fais-nous un retour. Il a répondu en tant que plus militant que spécialiste, donc fais-nous un retour de spécialiste. Oui, mais j'ai mis tous les guillemets au début. Hein. Donc Olivier nous dit ça a été démontré que ça marche. Donc bah, vraiment, fais un retour, parce que je pense que c'est intéressant, en effet, d'avoir... Je suis prêt à suivre la voie. C'est un peu ce que j'essayais de défendre, c'est que je suis convaincu que l'idée de base, en tout cas, a été construite par des gens qui sont convaincus que ça peut marcher, et pas juste à dire on va se donner une bonne excuse pour pouvoir polluer, quoi. Ouais. Ok, bah sur ce, merci beaucoup. Je vous propose qu'on passe à la suite, du coup. Bah, merci. Ouais, merci, Nima. T'as le temps du pitch pour réfléchir à ta cause. Ah ouais, t'as intérêt à avoir une cause. Hein. Cause ? Ah bah non, bah là... T'as intérêt à faire son boulot, quoi. Bon. La cause, ça va être « j'ai froid ». Ok, du coup, on passe au pitch de la semaine prochaine. Donc, on passe au pitch de la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, l'équipe de Podcast Science part en vadrouille à Marseille pour interviewer l'astrophysicien Jean-Pierre Luminet, qui va nous parler de son dernier livre. Alors, en fait, c'est pas son dernier livre, c'est Julie qui m'a fait les notes. C'est son avant-dernier livre, si je dis pas de bêtises, voire même un peu avant. Et en tout cas, c'est son livre « Le dessin de l'univers sur les trous noirs ». Donc, va falloir vous accrocher parce qu'on va parler de plein de trucs, de trous noirs, de déformation de l'espace-temps, de variables cataclysmiques, enfin, de plein de choses. On parlera peut-être aussi de son vrai dernier livre qui est au niveau des astéroïdes, si on a un peu le temps, mais on va surtout parler de trous noirs et de relativité générale. En tout cas, ça s'annonce passionnant. Si vous connaissez pas Jean-Pierre Luminet, ça va être une bonne occasion de le connaître. On avait déjà vaguement parlé d'un de ses bouquins, donc l'univers chiffonné, dans l'épisode sur la topologie avec LGJ. Et c'est un vrai spécialiste reconnu mondialement sur ces sujets au niveau relativité, etc. C'est un très très bon vulgarisateur, donc on est ravis d'aller le voir à Marseille pour enregistrer. Et on a quasiment tous fini son bouquin, je crois que Pascal l'a fini, Julie m'a doublé, et moi, il faut que j'avance. Et je peux juste dire une chose. Et Robin l'a fini. Non, je ne l'ai pas lu. Et Robin est presque intéressé par le sujet. Il a déjà lu un livre de Jean-Pierre Luminet. C'est le mec qui m'a fait penser que j'étais en train de passer à côté de quelque chose. Voilà. Attention. Et Joanne avance. Et on compte sur Joanne, d'ailleurs. Et en fait, c'est Joanne le responsable de l'erreur dans le pitch sur le dernier livre. C'est pas Julie. Désolée, Julie. J'aurais pas balancé. Hein. En tout cas, voilà, je ne sais plus qui nous est la remarque. Donc, le dessin de l'univers, pour rappel, on a illuminé parce qu'il nous a fait une remarque sur le dossier sur Interstellar où je parlais d'un bouquin de lui sur les trous noirs qui faisait que 400 pages. Et comme l'univers est en expansion, il en a fait une deuxième version de son bouquin qui maintenant fait 800 pages. Oui, c'est ça. Voilà. On passe à la côte ? On passe à la côte. Nima ? Nima s'est barré. Nima s'est muté et il ne s'est pas. Je suis en mute, je ne veux plus parler. Oh, je rêve. Alors, est-ce que tu as eu le temps pendant ce magnifique pitch ? Ou est-ce qu'on fait appel à notre Robin ? Ben non, je suis foutu, là, j'ai rien. Là. Donc, tu as eu pourquoi tant de haine, je crois, pendant, pendant l'interview ? Oui. Robin ? Mais j'ai pas de. T'as pas de pote ? Non. Pardon, j'avais complètement oublié que vous m'aviez demandé ça à un moment. Bon, il faut en trouver une et puis on la rajoutera au montage. Attends, vas-y, non, attention, je ne sais pas de qui c'est, je ne connais pas. On ne peut pas mieux juger un homme sur ses actions d'une heure que le climat d'un pays sur sa température d'un jour, ça vous va ? What ? On ne peut pas mieux juger un homme sur ses actions d'une heure que le climat d'un pays sur sa température d'un jour. C'est pas mal, non ? C'est pas mal, c'est de qui ? C'est vrai. Alors attends, maintenant je regarde qui c'est. Et là, c'est... Et donc, c'est d'Adolf Hitler. Hein. C'est... Alors, il y a une citation dans la chat. Jean-Antoine Petit, John Petit-Sen. Sinon, on peut dire que c'est de, belle, hein. C'est de Albert Einstein, il n'y a pas de problème. Ouais. Oui, ça marche à tous les coups. Je ne sais pas si vous avez vu, on a Neil deGrasse Tyson qui dit « I'm often asked whether I believe in global warming. I now just reply with the question, do you believe in gravity ?» Que tu traduis par ? On me demande souvent si je crois au réchauffement climatique et maintenant je réponds simplement avec la question « Est-ce que vous croyez à la gravité ?» Ah, c'est très bien ça, oui. C'est qui a dit ça ? Neil deGrasse Tyson. Ah oui, l'excellentissime très bon. Neil deGrasse Tyson. Je pense que c'est une bonne... Je ne sais pas qui l'a posté. C'est Johan. C'est l'étape suivante après Luminé au niveau interview. Parfait. Ouais. Il va falloir s'envoyer, je crois. Ok, super. Il y a une citation du chat qui dit « Oula, je sens mes rhumatismes, c'est signe que le climat de la planète va changer. » C'est pas mal aussi. Ok. Excusez-moi, hein, vous m'avez demandé, moi je m'exécute. Hein. Julie, tu rapatries les codes pendant que je fais les plugs ou tu veux faire les plugs Non, vas-y, je t'en prie. Merveilleux. Donc, on passe aux plugs. Alors, si je vous dis bière plus communication scientifique plus rencontre, ben ça paraît pas mal pour commencer la semaine. Donc si vous êtes d'accord, on rendez-vous au Patchwork, au pub The Highlander, le lundi 30 mars de 18h30 à 21h. Alors pour s'inscrire, on va vous mettre un lien dans les notes de l'émission. Donc ça, c'est de la publicité pour un événement où on nous a dit de faire la pub, ça avait l'air sympathique, donc on diffuse. C'est un projet de la promotion 2015 du DUMSI. Alors, c'est des gens qui sont fans d'initiales. On a eu du mal au début à se comprendre sur Twitter. Donc, c'est le diplôme universitaire de médiation scientifique innovante. C'est une initiative qui propose aux différents acteurs et passionnés de la communication scientifique au sens large de passer une soirée dans un cadre informel avec pour objectif de se rencontrer, d'échanger et qui sait, de construire des projets ensemble. Donc, que vous soyez étudiant, journaliste, chercheur, enseignant, médiateur scientifique, animateur, chargé de communication ou simplement curieux, vous pouvez apporter votre pièce au Patchwork de la communication scientifique et technique, CST pour les intimes, en participant à des activités originales, cartographiques, collectives. Excusez-moi, quelqu'un qui a rajouté 50 lignes dans le truc. Désolé. Cartographie collective, open card de visite, speed dating, mais surtout ma CST en 180 secondes, donc CST communication scientifique et technique. Donc pour celles et ceux qui réserveront le défi, l'idée est de partager en 3 minutes sa passion et son expérience de la communication scientifique. Le temps est imposé, pas le format, vous pouvez faire ce que vous voulez, un poème, une histoire, une anecdote, un stand-up, un diaporama, tout est possible. Donc si vous souhaitez participer, il suffit d'envoyer un mail, on vous mettra le mail dans les notes de l'émission. Et pareil, si vous avez des questions, des suggestions, leur équipe est à l'écoute. Donc voilà. Je ne sais pas si vous y serez les autres. Moi, je ne pourrais pas y être. Mais non, moi, je ne pense pas. Mais c'est vrai que le projet a l'air sympa. Qu'est-ce que tu dis, Robin ? Normalement, j'y serai. Voilà. Donc, si vous voulez voir Robin. Et donc sinon, on rappelle, si ce sera coupé au montage, si l'épisode n'est pas monté d'ici là, que samedi, on est tout plein à être à Lyon. Pour la Lyon Science, donc c'est le deuxième, hein, si je dis pas de bêtises, mais c'est le premier officiel sous ce nom-là, événement qui va parler de science à Lyon. Donc c'est pas exactement une émission de Podcast Science, même si Podcast Science va prêter sa chatroom et faire une émission en direct, mais c'est organisé par tout plein de gens bien des Lyonnais, et ça va être plein de gens qui vont parler de science. Il y aura en particulier Alan et moi qui allons parler. Et en fait, de Podcast Science, mais du coup, finalement, il y aura que Alan et moi aussi présents sur place. Et Pierre. Et donc, il y aura au moins une dessinatrice de Strip Science, plus moi-même qui devront faire des dessins. Enfin, ça devrait être assez sympathique. On va parler de tout plein de sujets. Vous pouvez trouver toutes les informations sur lyon-science.fr. Si je ne m'abuse, ça commence à 14h à Lyon et c'est à l'École Normale Supérieure de Lyon que ça se passe. C'est ça. Voilà, un place de l'école, 69 007 à Lyon. Donc, viens des nombreux, on sera content de vous y voir, ma foi. Voilà. Okay. Et donc, faut pas que je dise que Lyon, c'est le sud. Mais après, on part dans le vrai sud, on va à Marseille. Ouais. Voilà, Valou. Nima, merci d'être venu. Ah bah, merci beaucoup de m'avoir invité. Hein. Vous êtes super. Merci beaucoup. On a fait un peu plus court que d'habitude. Oui, c'est bien. Pour c'est un sujet bien. De Nima. C'est beaucoup plus court déjà que la dernière fois. Donc la prochaine fois, 3 questions. La prochaine fois, 3 questions, ça marche. Ah, on a un plug, ouais, que je couperai peut-être au montage si c'est pas monté d'ici là, pareil. Vendredi, il y a une éclipse de soleil qui est visible, si je ne m'abuse, à 90% en France, dans le nord de la France, je crois. Ah mince. Pas à 100%, en tout cas, c'est certain. Je ne sais plus si c'est 80 ou 90%, mais en tout cas, vous pourrez la voir. Je crois que c'est vendredi matin. Alors, bien sûr, je n'ai pas les infos sous les yeux, mais il me semble que c'est vendredi. Attends, j'ai les infos pas loin. Bougez pas. Parle d'autre chose, meuble pendant 2 heures. 78% d'après Billy. Mais en fait, ça dépend où on est. Ça dépend où on est, ouais. J'ai toutes les infos. Donc, en gros, en fonction d'où vous êtes, c'est autour de 9h, c'est entre 9h et 10h, c'est plutôt vers 9h15. Grossièrement, vu qu'il y a Stéphanie qui est à Lille, c'est à 9h25 à Lille, Stéphanie. À Toulouse, c'est à 9h13. Et Paris, c'est à 9h22. Maximum à 10h29. pour Paris. Enfin voilà, vous pourrez trouver toutes les informations sur Internet. Donc c'est assez rare. Il ne faut pas être à Nice. Parce que c'est que à 63%. Le pire, c'est la Corse. Voilà, c'est la Bretagne, 80%. Pour rappel, c'est des événements assez rares. Donc la prochaine, je crois que c'est dans un paquet de temps, voire même on sera peut-être tous morts d'ici là. Donc voilà, pensez bien à utiliser des lunettes spéciales. Je crois qu'ils en vendent dans la revue Ciel et Espace, si je dis pas de conneries. Et puis dans d'autres revues. Et sinon, on peut Sciences en trouver. Sciences et Vie Junior aussi. Sciences et Vie Junior, on peut en trouver chez le pharmacien aussi. En tout cas, pensez à vous mettre des lunettes. Et voilà, c'est à peu près tout sur l'Éclipse du Soleil, ma foi. Autre plug de dernière minute. Écoute, le conducteur a l'air de ne plus s'animer. C'est ça. On remercie du coup Pouillot pour les dessins, parce qu'il nous a fait deux petits dessins sympathiques dans la chatroom. Et puis la chatroom qui était en pleine forme ce soir, on a parlé bière, etc. Et voilà, merci encore Anima. Sur ce, maintenant, vous savez que le réchauffement climatique est un consensus scientifique. Ça ne fait pas débat. Donc, quand vous entendez des gens faire débat, vous pouvez faire de la pub pour notre émission. Vous pouvez faire ça sur SoundCloud, Twitter, Facebook. Vous pouvez nous envoyer des messages, poser des questions. Pour ceux qui ont posé des questions qui n'ont pas eu de réponse parce que Anima n'était pas un omni spécialiste, n'hésitez pas à nous envoyer des compléments pour les freestyles. Je pense en particulier à nos spécialistes du protocole de Kyoto et de Montréal. Et à notre économiste préféré. Donc voilà, n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur SoundCloud, Twitter, Facebook, podcastscience.fm. Et la semaine prochaine, on se retrouve pour l'interview de Luminé en direct de Marseille. Et d'ici là, que servir la science soit votre joie.